The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Shoes. La chaussure. Black. Le noir. Model. Le modèle. To try on. Essayer. This one. Celui-ci. Beige. Le beige. Size. La taille. There is no more left. Il ne reste plus de. Now, a bit faster. Shoes. La chaussure. There is no more left. Il ne reste plus de. To try on. Essayer. Beige. Le beige. Shoes. La chaussure. Black. Le noir. To try on. Essayer. Shoes. La chaussure. Beige. Le beige. There is no more left. Il ne reste plus de. This one. Celui-ci. Beige. Le beige. Black. Le noir. Shoes. La chaussure. Black. Le noir. Now, use the words in context. Le modèle. It's a new car model. C'est un nouveau modèle de voiture. La taille. I'm a size 38. Je fais une taille 38. Il ne reste plus de. There's no more bread. Il ne reste plus de pain. Celui-ci. I bought you these ones. Je t'ai acheté celle-ci. Essayez. Try on the sweater. Essaye ce pull. Le modèle. It's a new car model. C'est un nouveau modèle de voiture. La taille. I'm a size 38. Je fais une taille 38. Celui-ci. I bought you these ones. Je t'ai acheté celle-ci. Essayez. Try on the sweater. Essaye ce pull.